Chapitre 7. Ah, maintenant je le sens bien que je ne pourrai plus attendre les amours pendant des semaines et des mois. Faut que tu sois à moi comme devant, ou bien je fais un carnage. Cela au sortir de leur fourré, de leurs feuilles mortes. Accouplement furieux de la haine et de l'amour, l'homme avait pris la révolte de la femme pour de la passion. Ils rentraient maintenant en ville par le plus long, accrochés l'un à l'autre dans une grande ombre des bois du soir. « Et comment tu veux que je m'y prenne ?» répondit la Pyrane avec violence. « Puisque mon homme a l'air de tout savoir à cette heure. » Marie Chausselin grinça des dents. « Il ne périra donc pas, celui-là. »« Périr ? Il mange comme un laboureur. Il est roulé gras, il se porte comme un superbe. » L'homme gronda pour lui-même. « Ne faudrait qu'un coup. »« Qui t'a dit ?» s'exclama sourdement la Pyrane. Puis elle se mordit les lèvres et se tut. L'idée venait d'entrer en elle tout d'une pièce et la suffoquait d'horreur et d'espoir. La tisseuse de pièges travaillait déjà dans son cerveau. Patience, patience. L'amant et le mari, quand le filet sera prêt, l'heure viendrait peut-être, ou tous deux s'y prendraient ensemble, comme un couple d'anguilles dans le grand chalut. Pour préparer de loin la sinistre affaire. Tout à l'heure, commença-t-elle, il y a son grand fléau de fils le Cointre qui le gêne tant ou plus. Mais il ne sera pas toujours là. Quand je serai seul, je m'attends à tout. Mais je veux pas mourir devant qu'il se sache bien cornard. C'est pour ça, continua-t-elle d'une voix caressante, que je t'ai pris ce soir, sans nous mûcher brin. Demain, je verrons qui qu'il fera quand les ditons lui auront appris notre promenade. S'il va trop loin... Elle se serra contre lui, satanique et câline. Une supposition qui me tuerait. Qui que tu ferais ? Elle le sentit tressaillir. Oh, Clémence, tu m'as déjà fait souffrir des cruautés. Prêche pas comme ça. Faut bien tout dire au plus juste, Marie. Bien sûr que j'aimerais mieux me trouver libre et me marier de toi, mon gars. On aurait des beaux jours, des belles nuits surtout. Vas-tu me rendre fou ? Puisque c'est une chose qui ne peut pas se faire, laisse-moi donc avoir des illusions. De vivre toujours arraché, j'aimerais mieux qu'il me tue tout de suite. Encore ? Si c'est mon sort, vaut mieux que je m'en fasse l'idée. Je le démolirai plutôt au premier. Elle eut un frisson dans l'obscurité. Devenu grave, ils avançaient vers la ville, muets, et d'être déjà frôlés par leur velléité somnambulique. Rien de plus pour ce soir, les premières mailles du filet, simplement. Marie Chausselin ne la quitta qu'à sa porte. Les hommes n'étaient pas rentrés de mer. La Pyrane alluma sa lampe et se mit à ravauder. 6 heures sonnaient au clocher de Sainte-Catherine. À peine revenu au logis, Jean Pirant bourra sa pipe. Gabriel prit son livre. « T'es allé à la Branche Belle ? Comment va l'oncle ?»« Il va gentiment. J'y ai baillé son paisson. C'est Marie Chausselin qui a eu peine de porter le panier. » Marie Chausselin, qui que tu racontes ? Tu crois que je babille, mais toute la ville est pleine de vie pour te le dire. Je l'ai pris avec moi, car j'en ai les épaules détachées de porter ce panier-là. Et puis, à la sombreur, j'aime pas tant que ça me trouver toute seule dans le bois. Tu ne pouvais pas espérer un jour où Gabriel pourrait aller à Kant et toi ? Audacieuse, elle répondit en le regardant bien droit. Gabriel, tu sais bien pour qui je ne le prends pas, il me semble. Les yeux indigo du pêcheur, ceux d'eau claire du petit, devinrent en même temps plus foncés. Elle les gênait tous les deux. Cette libre allusion à la jalousie du mari remplissait la chambre d'une atmosphère irrespirable. Gabriel savait de la veille qu'elle irait voir son oncle accompagné du débardeur, manœuvre habile. Jean Pirant, lui, devinait cette manœuvre. Tous deux, cependant, ignoraient profondément la vérité, le passé, l'adultère qui les eût jetés l'un et l'autre dans des abîmes de désespoir. La Pyrane comprit que son mari voyait clair dans son jeu d'aujourd'hui. Nulle parole directe prononcée, l'éloquence des regards, rien de plus. Pour bien marquer qu'il n'était pas dupe, s'il avait su la trahison première, le pêcheur, mordillant le tuyau de sa pipe, changea brusquement la conversation. « Gabriel ne fêtera pas avec nous autres le jour de la Noël. J'y ai déjà dit qu'il n'apprendrait point la navigation sur mon méchant chalutier, et que s'il voulait devenir un vrai matelot, c'était de s'engager sur quelque Terre-Neuve. Et c'est pour ça qu'il ira ses jours à Rouen prévenir sa famille et faire ses adieux avant de pointer au nord du monde. J'avons parlé de tout ça à nuit. A-t-on dit que tu t'adirais dans les bois avec ce Chaucelin qui n'est jamais qu'un gourgandin et à qui, je te connais, tu ne permettrais point de te compter flamme. Alors Gabriel va partir ? Prononça froidement la Pirane. Oui, répliquèrent ensemble les deux marins sur un ton différent. Elle les examina tour à tour, muette, sans rien montrer de ce qu'elle pensait. Et ce qu'elle pensait, c'était à peu près ceci. Ce oui-là vient de décréter la mort de deux hommes. À Gabriel et moi, la voie libre pour nous aimer. Le garçon avait de nouveau plongé la tête dans son livre, sans doute pour cacher ses larmes. Un instant, elle s'émut de son innocence, de sa chevelure à reflets pâles, ainsi penchée sur les pages. Ce beau petit loup de mer ignorait la tempête noire qu'il déchaînait autour de sa candeur. Et l'autre, avec sa pipe et son insolence, il pouvait se dépêcher de fumer et de ricaner, ses jours étaient comptés désormais. Elle aussi, pour dissimuler le drame de ses yeux, baissa le front sur son ouvrage. Trois personnes paisibles dans un calme intérieur. Cependant, Clémence ne put s'en empêcher. Une gaieté monstrueuse la fit rire. « Tu veux que je te dise, Pirant, t'es bête comme 36 cochons, mon pauvre bonhomme !»« Est bien possible, répondit-il, mais ce serait bien casuel de ne pas m'obéir. » Et puis le silence. Jusqu'au moment où, se levant, « Ah, v'là le carmoin qui sonne, dit la pirade. Il est l'heure de faire le souper. » Elle n'avait pu dormir de toute la nuit. Dès le réveil de son mari, peut-être tenta-t-elle de le sauver une dernière fois. « Écoute, mon père Jean, premier que d'être dans les idées que t'as tout à l'heure. Tu sais partager avec moi que j'étions d'amitié tous les deux pour cet effant-là comme des bons parents. À présent, les vents ont tourné et tu veux le chasser. Tu peux me croire, t'auras tort. Écoute-moi, t'auras tort. Tu veux me faire prendre du poil de quin pour de la soie ? » fit-il en secouant ses boucles d'oreilles. « Mais moi, je sais bien que les amours ont parlé dans toi pour lui, et que c'est une chose que personne ne voudrait croire, que tu roucoules à l'âge que t'as et à l'âge qu'il a. Quand il sera loin et que t'en auras pris la résignation, continua-t-il avec une grande dignité, tu réfléchiras dans ton particulier, et je sais bien que tu reviendras à ce que t'étais, loyal et jovial comme devant, car t'es pas né pour faire mal. » Elle serra les dents pour ne pas laisser échapper sa riposte. « Qu'est-ce que tu sais de moi, vieille crabe ?»« T'as beau me tourner des yeux de vipère, reprit-il, faut pas que les mots s'élèvent entre nous pour une fredaine. Le petit partira dans 8 jours. »« Eh bon, » murmura-t-elle simplement. Et l'homme s'en alla vers la mer et vers son destin.